Chapitre 3. Voyage en Suisse avec Monsieur de Montmorency. Résolu à m'en aller par la Russie, j'avais besoin d'un passeport pour y entrer. Mais une difficulté nouvelle se présentait. Il fallait écrire à Pétersbourg même pour avoir ce passeport. Telle était la formalité que les circonstances politiques avaient rendue nécessaire. Et, quoique je fusse certaine de ne pas éprouver de refus d'un caractère aussi généreux que celui de l'empereur Alexandre, je pouvais craindre que dans les bureaux de ses ministres, on ne dît que j'avais demandé un passeport, et que l'ambassadeur de France en étant instruit, l'on ne me fît arrêter pour m'empêcher d'accomplir mon projet. Il fallait donc aller d'abord à Vienne, pour demander de là mon passeport et l'y attendre. Les 6 semaines qu'exigeait l'envoi de ma lettre et le retour de la réponse devait se passer sous la protection d'un ministère qui avait donné l'archiduchesse d'Autriche à Bonaparte. Était-il possible de s'y confier? Néanmoins, en restant, moi, comme otage, sous la main de Napoléon, non seulement je renonçais à tout exercice de mes talents personnels, mais j'empêchais mes fils d'avoir une carrière. Ils ne pouvaient servir ni pour Bonaparte, ni contre lui. Aucun établissement n'était possible pour ma fille, puisqu'il fallait ou m'en séparer ou la confiner à Copé. Et si cependant j'étais arrêté dans ma fuite, c'en était fait du sort de mes enfants, qui n'auraient point voulu se détacher de ma destinée. C'est au milieu de ces anxiétés qu'un ami de 20 années, M. Mathieu de Montmorency, voulut venir me voir, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois depuis mon exil. On m'écrivit, il est vrai, de Paris, que l'empereur avait exprimé sa désapprobation contre toute personne qui irait à Copé, et notamment contre M. de Montmorency s'il y venait encore. Mais, je l'avoue, je m'étourdis sur ces propos de l'empereur qu'il prodigue quelquefois pour effrayer, et je ne luttais pas fortement contre M. de Montmorency qui, dans sa générosité, cherchait à me rassurer par ses lettres. J'avais tort, sans doute, mais qui pouvait se persuader qu'on ferait un crime à l'ancien ami d'une femme exilée de venir passer quelques jours auprès d'elle? La vie de M. de Montmorency, entièrement consacrée à des œuvres de piété ou à des affections de famille, l'éloignait tellement de toute politique qu'à moins de vouloir exiler les saints, il me semblait impossible de s'attaquer à un tel homme. Je me demandais aussi à quoi bon, question que je me suis toujours faite quand il s'agissait de la conduite de Napoléon. Je sais qu'il fera sans hésiter tout le mal qui pourra lui être utile à la moindre chose. Mais je ne devine pas toujours jusqu'où s'étend dans tous les sens, vers les infiniment petits comme vers les infiniment grands, son immense égoïsme. Quoique le préfet m'eût fait dire qu'il me conseillait de ne pas voyager en Suisse, je ne tins pas compte d'un conseil qui ne pouvait être un ordre formel. J'allais au-devant de M. de Montmorency à Orbe, et de là je lui proposais, comme but de promenade en Suisse, de revenir par Fribourg, pour voir l'établissement des femmes trappistes, qui est peu éloigné de celui des hommes, dans la Val-Sainte. Nous arrivâmes au couvent par une grande pluie, après avoir été obligés de faire un quart de lieue à pied. Comme nous nous flattions d'entrer, le procureur de la Trappe, qui a la direction du couvent des femmes, nous dit que personne ne pouvait y être reçu. J'essayais pourtant de sonner à la porte du cloître. Une religieuse arriva derrière l'ouverture grillée à travers laquelle la tourière peut parler aux étrangers. « Que voulez-vous ? » me dit-elle, avec une voix sans modulation, comme serait celle des ombres. « Je désirerais, lui dis-je, voir l'intérieur de votre couvent. » « Cela ne se peut pas, » me répondit-elle. « Mais je suis bien mouillée, lui dis-je, et j'ai besoin de me sécher. » Elle fit partir alors je ne sais quel ressort qui ouvrit la porte d'une chambre extérieure dans laquelle il m'était permis de me reposer. Mais aucun être vivant ne parut. À peine me fus-je assise quelques instants que je m'impatientais de ne pouvoir pénétrer dans l'intérieur de la maison, et je sonnai de nouveau. La même tourière revint. Je lui demandai encore si aucune femme n'avait été reçue dans le couvent. Elle me répondit qu'on pouvait y entrer quand on avait l'intention de se faire religieuse. « Mais, lui dis-je, Comment puis-je savoir si je veux rester dans votre maison, puisqu'il ne m'est pas permis de la connaître ?»« Oh ! » me répondit-elle alors, « c'est inutile. Je suis bien sûre que vous n'avez pas de vocation pour notre état. » Et en achevant ces mots, elle referma sa lucarne. Je ne sais pas à quel signe cette religieuse s'était aperçue de mes dispositions mondaines. Il se peut qu'une manière vive de parler, si différente de la leur, suffise pour leur faire reconnaître les voyageurs qui ne sont que des curieux. L'heure des vêpres étant arrivée, je pus aller dans l'église entendre chanter les religieuses. Elles étaient derrière une grille noire et serrée, à travers laquelle on ne pouvait rien apercevoir. Seulement on entendait le bruit des sabots qu'elles portaient et celui des banquettes de bois qu'elles levaient pour s'asseoir. Leur chant n'avait rien de sensible, et je crus remarquer, soit dans leur manière de prier, soit dans l'entretien que j'eus après avec le père trappiste qui les dirigeait, que ce n'était pas l'enthousiasme religieux tel que nous le concevons, mais des habitudes sévères et graves qui pouvaient faire supporter un tel genre de vie. L'attendrissement de la piété même épuiserait les forces. Une sorte d'âpreté d'âme est nécessaire à une existence aussi rude. Le nouveau père abbé des trappistes établi dans les vallées du canton de Fribourg a encore ajouté aux austérités de l'ordre. On ne peut se faire une idée des souffrances de détail que l'on impose aux religieux. On va jusqu'à leur défendre, quand ils sont debout depuis plusieurs heures de suite, de s'appuyer contre la muraille, d'essuyer la sueur de leur front. Enfin, on remplit chaque instant de leur jour par la douleur, comme les gens du monde le font par la jouissance. Rarement ils deviennent vieux, et les religieux, à qui ce lot échoit en partage, le considèrent comme une punition du ciel. Un pareil établissement serait une barbarie si l'on forçait d'y entrer, ou si l'on dissimulait en rien tout ce qu'on y souffre. Mais on attribue, à qui veut le lire, un écrit imprimé dans lequel on exagère plutôt qu'on adoucit les rigueurs de l'ordre. Et cependant il se trouve des novices qui veulent s'y vouer, et ceux qui sont reçus ne s'échappent point, bien qu'ils le puissent sans la moindre difficulté. Tout repose, à ce qu'il m'a paru, sur la puissante idée de la mort. Les institutions et les amusements de la société sont destinés dans le monde à tourner notre pensée uniquement vers la vie. Mais quand la contemplation de la mort s'empare à un certain degré du cœur de l'homme et qu'il s'y joint une ferme croyance à l'immortalité de l'âme, il n'y a pas de borne au dégoût qu'il peut prendre pour tout ce qui compose les intérêts de la terre. Et, les souffrances paraissant le chemin de la vie future, on est avide d'en avoir, comme un voyageur qui se fatigue volontiers pour parcourir plus vite la route qui conduit au but de ses désirs. Mais ce qui m'étonnait et m'attristait en même temps, c'était de voir des enfants élevés avec cette rigueur. Leurs pauvres cheveux rasés, leurs jeunes visages déjà sillonnés, cet habit mortuaire dont ils étaient revêtus avant de connaître la vie, avant de l'avoir abdiqué volontairement, tout me révoltait contre les parents qui les avaient placés là. Dès qu'un pareil état n'est pas adopté par le choix libre et constant de celui qui le professe, il inspire autant d'horreur qu'il faisait naître de respect. Le religieux avec qui je m'entretenais ne parlait que de la mort. Toutes ses idées venaient d'elle ou s'y rapportaient. La mort est le monarque souverain de ce séjour. Comme nous nous entretenions des tentations du monde, je dis au père trappiste combien je l'admirais d'avoir ainsi tout sacrifié pour s'y dérober. « Nous sommes des poltrons, me dit-il, qui nous sommes retirés dans une forteresse parce que nous ne nous sentions pas le courage de nous battre en pleine. » Cette réponse était aussi spirituelle que modeste. Note. J'accompagnais ma mère dans l'excursion qu'elle raconte ici. Frappée de la beauté sauvage du lieu et intéressée par la conversation spirituelle du trappiste qui nous avait reçus, je lui demandai l'hospitalité jusqu'au lendemain, me proposant de passer la montagne à pied pour aller voir le grand couvent de la Val-Sainte et rejoindre à Fribourg ma mère et M. de Montmorency. Ce religieux, avec lequel je continuais de m'entretenir, n'eut pas de peine à s'apercevoir que je haïssais le gouvernement impérial, et je crus deviner qu'il partageait mon sentiment. Du reste, après l'avoir remercié de sa bonté, je le perdis entièrement de vue, et je ne croyais pas qu'il eût conservé le moindre souvenir de moi. 5 ans après, dans les premiers mois de la Restauration, ce ne fut pas sans surprise que je reçus une lettre de ce même trappiste. Il ne doutait pas, me disait-il, que le roi légitime étant remonté sur son trône, je n'eusse beaucoup d'amis à la cour. Il me priait d'employer leur crédit à faire rendre à son ordre les biens qu'il possédait en France. La lettre était signée le père A, prêtre et procureur à la Trappe. Et il ajoutait en post-scriptum, si 23 ans d'émigration et 4 campagnes dans un régiment de chasseurs à cheval de l'armée de Condé me donnent quelques droits à la faveur royale, je vous prie de les faire valoir. Je ne pus m'empêcher de rire et du crédit que me supposait ce bon religieux et de l'usage qu'il en demandait à un protestant. Je renvoyai sa lettre à monsieur de Montmorency, dont le crédit valait mieux que le mien, et j'ai lieu de croire que la pétition a réussi. Du reste, ces trappistes, retirés dans les hautes vallées du canton de Fribourg, n'étaient pas aussi étrangers à la politique que leur séjour et leur habit devaient le faire croire. J'ai appris depuis qu'ils servaient d'intermédiaire à la correspondance du clergé de France avec le pape, alors prisonnier à Savone. Certes, ce fait n'excuse pas la rigueur avec laquelle ces religieux ont été traités par Bonaparte, mais il en donne l'explication. Note de M. de Staël, fils. Reprise. Peu de jours après que nous eûmes visité ces lieux, le gouvernement français ordonna que l'on saisît le père abbé, M. de l'Estrange, que les biens de l'ordre fussent confisqués et que les pères fussent renvoyés de Suisse. Je ne sais ce qu'on reprochait à M. de l'Estrange, mais il n'est guère vraisemblable qu'un tel homme se mêlât des affaires de ce monde, encore moins les religieux qui ne sortaient jamais de leur solitude. Le gouvernement suisse fit chercher partout M. de l'Estrange, et j'espère pour l'honneur de ce gouvernement qu'il eut soin de ne pas le trouver. Néanmoins, les malheureux magistrats des pays qu'on appelle les alliés de la France sont très souvent chargés d'arrêter ceux qu'on leur désigne, ignorant s'ils livrent des victimes innocentes ou coupables au grand Léviathan qui juge à propos de les engloutir. On saisit les biens des trappistes, c'est-à-dire leurs tombes, car ils ne possédaient guère autre chose, et l'ordre fut dispersé. On prétend qu'un trappiste, à Gênes, était monté en chaire pour rétracter le serment de fidélité qu'il avait prêté à l'empereur, déclarant que depuis la captivité du pape, il croyait tout ecclésiastique délié de ce serment. Au sortir de cet acte de repentir, il avait été, dit-on aussi, jugé par une commission militaire et fusillé. On pouvait, ce me semble, le croire assez puni pour que l'ordre entier ne fût pas responsable de sa conduite. Nous rejoignîmes Vevey par les montagnes et je proposai à M. de Montmorency de faire une course jusqu'à l'entrée du Valais que je n'avais jamais vue. Nous nous arrêtâmes à Bex, dernier village suisse, car le Valais était déjà réuni à la France. Une brigade portugaise était partie de Genève pour aller occuper le Valais. Singulière destinée de l'Europe, que des Portugais, en garnison à Genève, allant prendre possession d'une partie de la Suisse, au nom de la France. J'étais curieuse de voir dans le Valais les crétins dont on m'avait si souvent parlé. Cette triste dégradation de l'homme est un grand sujet de réflexion. Mais il en coûte excessivement de voir la figure humaine ainsi devenue un objet de répugnance et d'horreur. J'observais cependant, dans quelques-uns de ces imbéciles, une sorte de vivacité qui tient à l'étonnement que leur font éprouver les objets extérieurs. Comme ils ne reconnaissent jamais ce qu'ils ont déjà vu, ils sont surpris chaque fois, et le spectacle du monde, dans tous ses détails, est tous les jours nouveau pour eux. C'est peut-être la compensation de leur triste état, car sûrement il y en a une. Il y a quelques années qu'un crétin, ayant commis un assassinat, fut condamné à mort. Comme on le conduisait au supplice, il crut, se voyant entouré de beaucoup de peuple, qu'on l'accompagnait ainsi pour lui faire honneur. Il se tenait droit, nettoyait son habit en riant pour se rendre plus digne de la fête. Était-il permis de punir un tel être du forfait que son bras avait commis? On voit à 3 lieues de Bex une cascade fameuse où l'eau tombe d'une montagne très élevée. Je proposai à mes amis de l'aller voir et nous fûmes de retour avant l'heure du dîner. Il est vrai que cette cascade était sur le territoire du Valais, par conséquent alors sur le territoire de la France, et j'oubliais que l'on ne me permettait de cette France que l'espace de terrain qui sépare Copé de Genève. Revenu chez moi, le préfet non seulement me blâma d'avoir osé voyager en Suisse, mais il me donna comme une grande preuve de son indulgence le silence qu'il garderait sur le délit que j'avais commis en mettant le pied sur le territoire de l'Empire français. J'aurais pu dire, comme dans la fable de La Fontaine, « Je tondis de ce pré la largeur de ma langue ». Mais j'avouais tout simplement le tort que j'avais eu d'aller voir cette cascade suisse sans songer qu'elle était en France.